Le Vasari a-t-il eu tort ou raison de prendre l'œuvre de Cimabue comme le point de départ de la peinture moderne? Nous n'en savons rien, et nous nous en soucions peu. Cette réponse péremptoire à une aussi vieille et par conséquent aussi respectable question pourra offusquer beaucoup de gens, quoique cependant nous nous croyons fort en droit de la faire. En effet, si nous ne sommes pas disposés à noircir du papier comme tant d'autres sur ce thème, ce n'est pas, Dieu merci, faute de l'avoir étudié. Nous avons été dupes, nous aussi, et nous avons perdu un temps que personne ne nous rendra dans cette recherche vaine dont notre naïve curiosité exagérait l'importance et les éléments. Nos lectures et nos conférences n'ont rien pu nous apprendre de décisif à cet égard, et nous ne sommes sûrs que d'une chose, c'est que ceux qui s'en sont mêlés comme nous auraient dû avouer ce que nous avouons. Mais on a mieux aimé jusqu'ici faire prendre le change au lecteur et l'abuser par les plus oiseuses indications. Expliquons-nous. Les écrivains qui ont donné tort au Vasari, et dont nous ne citerons pas ici les noms pour éviter une liste fatigante, comment se sont-ils arrangés? Tout simplement en dénaturant la question, et en attribuant à leur prétendue preuve un sens qu'elle ne pourrait avoir. Ainsi, ils nous ont exhumé un nombre plus ou moins considérable de noms d'artistes et de descriptions d'ouvrages antérieurs à Cimabue. Belle découverte, invention accablante pour ce pauvre Vasari. Puis, débitant ces noms d'une voix sonore, d'autant plus sonore que les dates dont ils étaient flanqués pouvaient avoir un air d'authenticité, ils impatronisaient dans l'histoire de l'art moderne la première dynastie de ces artistes désormais retrouvée. Le malheur est qu'en fait de restauration de ce genre, personne ne veut céder le pas à son voisin, et que chacun entend briller par sa propre trouvaille. De façon que de proche en proche et de premier peintre en premier peintre, on est remonté jusqu'au règne de Constantin. Cette mystification, dont nous-mêmes, on peut nous croire, avons beaucoup souffert, a eu quelques avantages, comme nous l'avons déjà dit, à savoir d'établir d'une manière plus nette la succession, sans solution de continuité, des artistes en Italie. Mais, bon Dieu, était-il besoin de travailler autant pour consacrer cette idée dont tout, sans ses recherches pénibles, montrait l'évidence, et dont notre bon Vasari lui-même, malgré ses assertions étourdies, nous apportait tant de preuves. Mais, nous dira-t-on, c'est contre votre Vasari que ce vaste travail a été entrepris. S'il ne s'était pas permis de poser en fait que lorsque Cimabue parut, la peinture était en Italie plutôt entièrement perdue qu'égarée de la bonne voie, eût-on cherché à établir qu'il y avait eu en Italie des peintres avant ce Florentin. On s'en fût évité la fatigue parce que personne n'en eût douté sans sa malencontreuse assertion. Nous ne répondrons à ceci qu'une chose, c'est qu'avant de se décider à entrer en lutte avec un auteur, il faut l'avoir lu, pour bien comprendre ce qu'il dit et le sens dans lequel on doit l'entendre. En effet, le Vasari n'a jamais prétendu affirmer que Cimabue avait été le premier peintre qui est paru en Italie. Son livre fournit partout la preuve du contraire. Il est explicite, à cet égard, dans sa savante et naïve préface. Il est encore davantage dans sa sixième biographie, où il fait apparaître un Toscan, un peintre né comme lui à Arezzo, dont il a vu et dont il détaille les nombreux ouvrages. Or, ce peintre d'Arezzo, le Vasari ne le donne-t-il pas nettement comme antérieur à Cimabue? Ce n'était donc pas la peine de lire et d'écrire tant de volumes pour tarabuster le Vasari à propos d'une phrase échappée de sa plume facile, quand lui-même il en fournit la rectification. C'était vraiment du don-quichotisme de vouloir prendre ainsi au pied de la lettre et longuement réfuter un homme qui vient de vous dire, avec une égale ingénuité, qu'il n'hésite pas à admettre l'existence de l'art avant le déluge. Il ne saurait alors s'agir dans la question de citer tel ou tel peintre comme ayant vécu avant Cimabue, mais bien d'en trouver un dont les ouvrages aient un caractère suffisant d'originalité spéciale et d'indépendance progressive pour en faire, préférablement à lui, l'incontestable et premier promoteur de l'art moderne. C'est là ce qui est vraiment difficile, et ce à quoi nous renonçons, sans redouter pour notre amour-propre de commentateur, aucune conséquence sérieuse. Maintenant, dépêchons-nous de dire, car nous savons qu'on pourrait nous prendre en sous-œuvre par là, qu'il est possible que plusieurs artistes contemporains de Cimabue n'aient rien dû à son influence et ait montré simultanément des efforts analogues et des résultats peut-être équivalents. C'est là une chose sur laquelle nous nous expliquerons dans notre note sur la biographie de Duccio de Sienne. On y verra que le Vasari aurait pu faire jusqu'à un certain point marcher ce Siennois de front avec Cimabue. Mais on y verra aussi que la haute position dans laquelle l'histoire accepte Cimabue, quoi qu'on ait pu faire, n'est point jusqu'ici au moins une usurpation qui se puisse démontrer. C'est là tout ce qu'il nous fallait. Il ne pouvait, en effet, nous convenir d'abandonner notre auteur, attiré dans une sorte d'embûche et laissé sans défense jusqu'ici, sous le plus lourd fatras de dissertations hostiles qui n'arrivent à rien au fond. Après cela, peu nous importe que Cimabue, en toute exactitude, en toute exclusion, ait ou n'ait pas été le premier Italien qui, dans la peinture, manifesta les premiers symptômes de l'affranchissement de l'art et de l'artiste. Ce qu'il nous convient seulement de savoir, et de savoir bien, c'est que, comme le Vasari nous le dépeint, il a pu être. Ce n'est pas là, certes, une marque indifférente d'authenticité. À l'époque où le Vasari écrivait, sous ses impressions et dans son entourage, il n'était pas facile de recomposer de toutes pièces la figure si nette et si vraie qu'il vient de nous montrer. Cimabue, ainsi qu'il nous le présente, et malgré quelques erreurs de détail, s'ajuste admirablement à l'époque précise où il le fait naître et agir. Les ouvrages qui lui appartiennent incontestablement, comparés à ceux de ses prédécesseurs ou de ses contemporains qui se sont conservés, nous indiquent distinctement sa supériorité et son effort original. Cimabue a dû être dans son art le représentant le plus direct, le plus énergique, de ce sentiment d'individualité et de cet instinct de progrès qui, dans son temps, tourmentait l'Italie. Sa naissance élevée, la fierté de son caractère, l'influence de ses relations, sa facilité précoce, tout l'y disposait. Le noble enfant de Florence, entre les ouvriers grecs et italiens, parmi lesquels sa vocation le poussait, ne voulut pas être un ouvrier. L'art moderne est sorti, qu'on le sache bien, de ce sentiment d'orgueil. Car ce sentiment appelait après soi l'émulation, et l'émulation appelait le progrès. Dante et Vasari sont d'accord sur ce chapitre, si l'on veut y regarder. Et ce chapitre explique lisiblement la renonciation désormais incessante de l'art à la tradition byzantine, à la forme non pas positivement imposée, comme on sait plus à le dire, mais relativement consacrée, relativement immobile. Comment donc les promoteurs actuels de la restauration de l'art catholique voient-ils la chose? Eux qui viennent étourdiment prendre Cimabue, ce premier et consciencieux récalcitrant, pour leur drapeau. Eux qui rangent parmi leurs saints tous ces échappés de l'école byzantine, tous ces obstinés révolutionnaires que nous allons voir venir en foule à sa suite, à commencer par le Giotto, son élève. Il nous semble qu'il y a là une erreur bien grave, des prétentions inconciliables, des explications erronées et un non-sens grossier, que personne jusqu'ici sur notre terrain n'a signalé. Comme nous sommes à même de le faire, comme la théorie en question nous paraît dangereuse et devoir grandement préjudicier à nos écoles déjà assez en peine, nous tâcherons de ne pas déserter l'examen que notre position d'annotateur du Vasari nous confère. Mais nous devons suivre forcément notre auteur au fur et à mesure que son texte se déroule. Et comme sa marche, surtout à son début, peut paraître assez peu rationnel, nous croyons bon de nous expliquer sur le parti que nous prendrons pour y suppléer tout en nous y conformant. Nous soulèverons particulièrement dans ce premier volume les questions, soit d'histoire, soit de critique, qui nous paraîtront propres à faciliter l'intelligence des premiers temps de l'art moderne et à prévenir les fâcheuses influences sous lesquelles on se laisse aller trop souvent en l'appréciant. On pourra donc y rencontrer, à la suite de plus d'une biographie, des considérations en apparence étrangères, ou du moins peu exactement attachées, mais toutes concourront à établir, pour le lecteur et pour nous, un point de départ solide pour tout l'ensemble. Après avoir dit à quel point de vue nous nous placions dans nos jugements, après avoir jeté un coup d'œil rétrospectif sur le passé, sans négliger la rectification des erreurs de détail qui ne pouvaient s'ajourner, viendront les questions plus positives de la technique renaissante, et la constatation de tous les progrès accomplis. L'œuvre des promoteurs de l'art moderne n'a été ni interrompue ni morcelée. Elle s'est au contraire poursuivie et déroulée de la manière la plus régulière et la plus complète jusqu'à son développement suprême. Chacun des vieux maîtres dont Cimabue ouvre la série a été reproduit fidèlement par quelqu'un des hommes progressifs de la seconde époque, et nous retrouverons, pour les comparer entre eux, Giotto et Masaccio, Stefano et Uccello, Le Lapo et Brunelleschi, Antonio et Giovanni Bellini, Le Pisan et le Ghiberti, les Siennois et le Fiesole, Benozzo Gozzoli et le Pérugin. Ces rapprochements et tant d'autres pourront mieux mettre en saillie les uns et les autres. Ici, nous devons surtout nous occuper de décrire les circonstances qui ont précédé l'apparition des premiers, car tous ces vénérables fondateurs des écoles modernes, comme ces Hermès à deux faces que les anciens plaçaient le long de leur route et dans leurs champs, ne se peuvent pas bien envisager dans la route et dans les champs de l'art, d'un point de vue unique. Il faut d'abord marcher à eux et les franchir, puis se retourner pour bien voir leurs deux faces. Mais nous pouvons dire, par anticipation et pour conclure quelque chose ici, qu'à l'égard de Cimabue, nous épousons complètement la légende que le Vasari nous a donnée. L'homme de la légende, ici, nous semble être réellement l'homme de l'histoire. Le Vasari, après s'être expliqué et se réservant encore de s'expliquer plus tard, a voulu conserver à Cimabue sa physionomie populaire et consacrée. Pourquoi ne l'eût-il pas fait ? Que sait-on de nouveau ? Qui l'a démenti ? Eût-il été convenable à lui, serait-il possible à nous, d'avoir voulu ou de vouloir nier ce que Florence répétait de génération en génération à propos du premier initiateur de ses maîtres ? Fallait-il alors, ou faut-il maintenant, sous d'insignifiants détails, sous de puériles discussions, chercher à éteindre l'auréole du prédestiné de Borgo Allegro ? Nous ne le croyons pas. La saine intelligence de l'histoire et de l'art n'est pas confiée, comme nous l'avons déjà dit, à la manie tracassière des compilateurs et aux aperçus microscopiques des commentateurs. Ici se termine Cimabue, peintre florentin, de Giorgio Vasari, traduction par Léopold Leclancher.